dans la tour, je me rappelle, je me rappelle. Les cafards, les bacs, les yens gris, à l'appel, à l'appel. Aujourd'hui, Hamdoul a plus besoin de le faire. Le monde, Chico, Chico. Y'a le buzz tant qu'il est chaud, on va le faire. Amiga, amiga, amigo, amigo. Pas de 10, pas de 10. Au bon char, on y va, on fait pas de caprice. Non. Love and peace, sur le terrain y'a tes yeux, et bel écho glissement. On te rentre dedans, boum boum boum. Pas ton temps, pas ton temps, bref. Allez, file, qu'est-ce que t'as fait le fou test? Zing zing zing zing zong. Hey hey hey hey hey. J'sens des mots de merde et tu me payes, payes, payes, payes, payes. La haine sur le maillot, le zay, la maille, j'vois maille à maille. Le M en saillant, car tu fly, wallahi, wallahi. J'pense moi ça m'arrange. T'as fait ci, t'as fait ça à l'échange. ADT ou loin des anges. J'vois ma haine sur la balance. J'dois rentrer dans la légende. J'vois, y'a, j'fume, j'revis. J'rentre pas dans leur fête. Un charbon et j'm'enfuis. Toute l'année j'm'en pète. J'envers sa vanne, la jeune, faut du soleil. Voilà, voilà, j'ai plus sommeil. Terrain, j'te laisse, fini de vendre. Bientôt, on rentre dans la légende. Fait que charbon et on s'occupe. Ouais, c'est ça, ou finir cocu. Taille de la seule inquiétante. Nous, on reste les mêmes et on bande. J'refais mon calasin en pépite. Chez nous, les chromes, c'est comme les vides. Le putain de cas, je veux. Le sourire d'un ange me réveille. Pâle perdu vers Corbeil. Charbonneur dans la vie. Des billets, j'fais des kills. Garde le double des clés, salut, je quitte la terre. Et gonfle la ville, par le sang du maire. J'emmène la misère, putain de balade. Ville avec et j'aurai pas le temps d'une barre. Je quitte Paname. Personne, personne, manque, manque. La mif, l'argent, le sang. Dans la légende. J'vois, y'a, j'fume, j'revis. J'rentre pas dans leur fête. Un charbon et j'm'enfuis. Toute l'année j'm'en pète. J'envers sa vanne, la jungle, faut du soleil. Voilà, voilà, j'ai plus sommeil. Terrain, j'te laisse, fini de vendre. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye,